Maman était femme de ménage, je connais la valeur du fric, mon poteau. On a des armes de guerre, mon petit, qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Menace-moi, c'est bien, mais c'est mieux si tu fermais ta gueule et que t'agis. Je fais de la magie, t'es là d'un seul coup, t'es plus là, je te jure, t'es à Égypte. Tu m'annonces que ton frère est mort, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faire semblant d'être en deuil. J'ai porté les courses à ta mère, la seule chose que toi tu m'as porté, c'est ton œil. Vous faites les voyous et c'est bien, mais pourquoi qu'on s'attire quand vous faites le 17? Oh là, qu'il n'y a pas beaucoup dans la jeu, je vous aime bien, mais les gars, arrêtez les sucettes. À la base, je suis un mec bien, tout a changé dans la poussette. Le daron m'a fait une poussette, ni maman m'a pris et m'a coupé la ZZ. Oh, on va où comme ça? Oh là, que t'es bidon comme ça. Dans l'équipe, tu sers à rien, on te sort. Même si t'es bonne, tu fais la halal, on te sort. J'ai besoin d'un gamos, j'appelle Samba. J'ai besoin d'un. J'appelle Samba. T'as une tête de chien, je te sens pas. Je vais te niquer ta mère, mais je me sens pas. Gros, t'es pas comme nous, tu sais pas faire. Tu fais pas grand chose, mais t'es bavard. On va te mettre au sol, ne bouge pas, frère. Moi, je vais rien te faire, j'appelle bavard. Si la juge, elle est corrompue. Que son homme lui a fait cocu. Et qu'avec lui, elle a rompu. Attends-toi à une peine de fils de pute. C'est comme ça le système, mon petit AB. Ouais, fallait faire des études, on t'a dit. Au lieu de faire les icônes à l'école et partir que pour les collègues et les gadis. Ils font les voyous, je les laisse. Tu joues avec les couilles, ta nièce. Tu traînes avec lui, c'est ton frère. Mais dis-moi, est-ce qu'il sait que t'as soulevé sa nièce? Ils m'ont aidé parce qu'ils avaient pas le choix. Ils savaient que j'allais tout qu'un jour. T'avais dit comme tu leur paies qu'il y a des armes et des hommes, il y a des armes et des genouilles. Donnez-moi raison même quand j'ai tort. Oui, dans mon équipe, y'a des mecs en trop. D'après la daronne, j'suis un mec en or. Signé à Capitole, j'vends le shit en gros. Allo, Alex, alors, mec. Nique le gérant, j'parle à leur maître. J'suis chargé, j'attends pas qu'on m'aide. J'suis un des êtres, niqué mec. Faut de tout pour faire un monde. Une goutte de sperme pour faire un môme. Deux, trois balles pour faire un mort. Une paire de couilles pour faire un homme. La seule fois que j'ai appelé la police, c'était pour insulter leur daronne. J'me suis promis de tout niquer cette année. J'vais respecter ma parole.